banal. Des fois je traîne dans mon quartier, j'observe les gens, j'imagine ce que j'aurais été si j'étais resté dedans. Peu importe, je regrette rien, même si j'ai pas une vie fantastique. J'ai fait mon chemin, fumé des joints, boire plus d'alcool que d'eau. C'est ce que t'offre une fille de zonard, mais dis-moi quel cadeau. Être quelqu'un d'autre, c'est possible quand tu le souhaites. Supprimer la définition d'avoir, la remplacer par celle d'être. Une seule tête envers mes rampes. Je leur en ai fait baver jusqu'à être enfermé au reps. Je suis resté longtemps bête dans l'ignorance. Je ne pense pas à s'enrichir, on préfère fermer la classe. J'ai donc quitté ma classe en fait, perdu la face, j'ai pas évité la tasse. Noyé dans l'océan du mal, sans savoir on efface. Nos peu d'espoir on laisse place aux influences néfastes. Prisonnier d'une vie banale, je regrette rien, mais je suis pas fier. J'ai peur pour demain, je veux plus voir ce qui s'est passé hier. Passer la serpillière, dur d'oublier le mal. On s'obstine à changer, prisonnier d'une vie banale. Je regrette rien, mais je suis pas fier. J'ai peur pour demain, je veux plus voir ce qui s'est passé hier. Passer la serpillière, dur d'oublier le mal. On s'obstine à changer, prisonnier d'une vie banale. À 40 piges, je veux pas la même vie que mon père. RMI, PMU, la galère. Je lui reproche que dalle, il a fait ce qu'il a pu. Grâce à lui, je suis vivant, c'est pas une pute qui m'a battu. Cousin, putain, quand je vois les darons de mon tiex. Crachat oblige, mais ça m'inflige de la tristesse. Je me demande qu'est-ce qui nous pousse à s'autodétruire. Le problème devant eux, on a souvent tendance à fuir. On souffre, peu de peur qui sourd. Personne comprend nos douleurs, on devient ouf. Des solutions, crois-moi y'en a peu. Mais faut se creuser la tête, ne pas fermer les yeux. Je regrette rien, mais je suis pas fier. J'ai peur pour demain, je veux plus voir ce qui s'est passé hier. Passer la serpillière, dur d'oublier le mal. On s'obstine à changer, prisonnier d'une vie banale. Je regrette rien, mais je suis pas fier. J'ai peur pour demain, je veux plus voir ce qui s'est passé hier. Passer la serpillière, dur d'oublier le mal. On s'obstine à changer, prisonnier d'une vie banale. On souffre, peu de peur qui souffre. Personne comprend nos douleurs, on devient ouf. Sans savoir on efface, nos peu d'espoir on laisse place aux influences néfastes. Prisonnier d'une vie banale. T'as vu ce qui s'est passé hier, on veut plus que ça se reproduise. On a peur pour demain. Prisonnier d'une vie banale.